s'est mis en grève, trouvant la vie trop brève. Il a brisé sa cage et quitte son ouvrage. Il rend son tablier, demain les sabliers seront à jamais vides, ainsi que les clepsydres. Le temps a pris la fuite, la poudre d'escampette, terminé les 3-8, fini les 5-7. Tout est tari dans l'œuf, tout est remis à neuf. Le temps fait tapisserie sans sa machinerie. Dater les livres d'heures et les horodateurs et les minuteries, place à la rêverie. La pendule au salon qui dit oui, qui dit non, désormais nous sourit, elle dit que y est la vie. Toutes les neiges d'antan reviennent au printemps et toutes les feuilles mortes renaissent à nos portes. Le temps suspend son vol, l'homme prend son envol. À minuit moins le quart, l'homme est enfin Icare. L'homme est enfin Icare.